Chapitre 12. La France au banc des nations. Je passai une triste soirée dans mon atelier, sans goût pour sortir plus loin que le petit restaurant du quartier, où je fis un simulacre de dîner. Je songeais mélancoliquement, tout en rangeant de vieux dessins, des croquis, des études. Certes, je comprenais qu'Aurore se crût tenue de rester au moins ce premier soir avec son père, et que ni lui ni Chêne n'eussent guère de sympathie pour ma présence. Mais cette situation allait-elle durer? Étais-je pratiquement éliminé de l'existence d'Aurore, même dans le cas où elle séjournerait plus ou moins longtemps à Paris? Et si Chêne mettait à exécution son idée de retourner en Amérique? N'avais-je plus aucune chance de m'entretenir avec elle, de mettre à profit son aveu? Regrettait-elle cet aveu au point de chercher désormais à m'éviter le plus possible? Après une insomnie prolongée, où je tournais et retournais des projets, dont le moins fou était encore de suivre le trio en Amérique, je finis par m'endormir d'un sommeil agité et rempli de songes funestes. Lui téléphonai vers 9 heures, mais attendre cette heure-là chez moi parut dès mon lever à l'aube intolérable. Sitôt habillé, à 7h30, je descendis. En passant devant la loge, je vis monsieur et madame Taquet attablés. Sur 2 assiettes tremblotait la gélatine rubis du lichen comestible. Du zébi, rapporté la veille de son excursion à la tour Eiffel, par le Watman en congé. La portion que madame dégustait à pleine cuillère n'était pas moins copieuse que celle de monsieur. Sous couleur de prendre mon courrier, j'entrebâillai la porte. « Pas de lettre pour moi ?»« Non, monsieur Delvar. » Le facteur n'est pas encore passé, mais voici toujours votre matin. J'affectai de loucher vers son assiette. Bon appétit. Eh, madame Taquet, ce n'est donc pas si mauvais le zébi, vous y venez, je vois. Il faut bien profiter pendant que c'est frais, monsieur Delvar. Ce serait gâté d'ici ce soir. Et mon mari en a rapporté près 1 kilo. Cela fait des économies dans un ménage, en ce moment surtout où il n'y a que demi-paye. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Sans m'informer de ce qui n'allait pas durer, les économies, le zébi, la demi-paye ou la situation actuelle, je m'esquivais. Au débit qui fait le coin de la rue Montcenis et de la rue du Chevalier de la Barre, j'achetais encore 2 ou 3 journaux et, longeant le Sacré-Cœur, allais m'installer sur un banc au haut du square où seuls quelques gamins du quartier jouaient déjà devant le panorama géant de Paris. La France mise en interdit par l'Amérique. Le cœur battant d'espoir, car dans ce cas, il n'était plus question pour Chêne ni pour Aurore de retraverser l'Atlantique. Je parcourus avidement le texte du journal. Le grave péril créé à Paris et en France par l'extension brutale de la xénobie vient d'inciter l'Amérique à se prémunir contre une possible contagion du fléau par des mesures d'un protectionnisme outrancier et sans exemple. Un décret du président Hogg, rendu hier à la Maison-Blanche et prenant force exécutoire à dater d'aujourd'hui 22 octobre, suspend les communications maritimes avec la France. Au terme de ce décret, tout paquebot, cargo ou autre navire en provenance d'un port de France ou ayant, au cours de sa traversée, fait escale à un port français, se verra interdire l'accès des ports américains. Par conséquence directe, seuls sont autorisés à quitter l'Amérique à destination de la France les bâtiments, paquebots ou autres, qui effectuent leur voyage de retour. La police de la prohibition, avec sa flotte armée spéciale, est chargée d'assurer l'exécution stricte du décret. Ce décret, qui viole si manifestement les règles du droit international et contre lequel le chef du gouvernement français élève une protestation vigoureuse, décèle un affolement qui étonne chez un peuple aussi pragmatique et pondéré qu'aux États-Unis. Il apparaît à la froide raison que couper ainsi les communications avec la France est nettement abusif. En 5 ou 6 jours de traversée, la présence du lichen à bord du transatlantique le plus rapide aurait tout le temps de devenir évidente. Par conséquent, il suffirait d'établir à l'arrivée au port américain une visite sanitaire spéciale. entre autres conséquences de cette mesure draconienne, qui porte un préjudice des plus graves à nos compagnies de navigation, à nos plus grands ports transatlantiques, Brest, Cherbourg, Le Havre, ainsi qu'au mouvement touristique, il faut noter que les exportations de pétrole américain vers la France vont cesser du même coup, puisque les bateaux-citernes, s'ils traversaient l'Atlantique et débarquaient leurs marchandises chez nous, se verraient dans l'incapacité de regagner leur port d'attache. Il est inutile d'insister sur les fâcheux résultats que peut avoir pour nous cette suppression des importations de pétrole américain au moment précis où nos besoins en cette substance s'accroissent considérablement par suite de l'atteinte portée à l'éclairage électrique. Voulant, par ailleurs, éviter aux États-Unis tout risque d'une aventure pareille à celle que subit la France, le président Hogg, par un décret complémentaire, interdit la préparation de tout raid astronautique, le départ et la fabrication de tout engin susceptible de franchir les limites de l'atmosphère terrestre. Comme première application, ce décret entraîne la confiscation du laboratoire de M. Oswald Lescure et des usines astronautiques de la Moongold, avec le matériel qu'elle renferme. Toutes les pépites d'or qu'une expédition de ce genre pourrait rapporter de la Lune, déclare M. Hogg, parmi les considérants ayant motivé son décret, ne compenseraient pas le danger de voir apporter, en même temps des espaces interplanétaires, des causes de troubles pour notre civilisation, dont le fléau de la xénobie en France suffit à donner une idée redoutable. Et en sus de la xénobie, qui sait les autres périls inconnus et plus terribles encore, qui peuvent être tenus en réserve par les espaces interplanétaires. Hâtons-nous d'ajouter que pareille mesure de prudence a été prise en France également. Les astronautes américains ne trouveront pas chez nous les facilités qui leur sont désormais refusées dans leur propre pays pour réaliser leurs funestes expériences. Une interdiction identique a été formulée et signifié dès leur arrivée au Bourget à messieurs Oswald Lescure et Lendor J. Shane par M. Guyon, sous-chef de la Sûreté. L'exemple des États-Unis a été suivi aussitôt par nombre de pays dont la liste s'accroît d'heure en heure. À l'instant où nous mettons sous presse, on peut citer, comme ayant coupé toute communication matérielle avec la France, le Canada, la République de Cuba, le Mexique, l'Angleterre, l'Allemagne, la Hollande, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, à l'exception de la Belgique, qui déclare s'associer à notre destin, la mise en interdit s'étendra bientôt à la planète entière. La France traitée comme l'étaient au Moyen-Âge les lépreux et les pestiférés. Une excommunication telle qu'en fulminait l'Église contre les hérétiques et les schismatiques. Il est impossible d'évaluer, même approximativement, les pertes que cette situation sans précédent va causer au commerce, à l'industrie et à la vie nationale. Mes soucis personnels s'étaient fondus dans une angoisse plus vaste, débordant mon simple égotisme. Sur Paris, avec la France ainsi isolée du reste de l'humanité, sur Paris étendant à mes pieds son panorama géant, je laissais errer mes regards. Sous le soleil automnal jauni par la brume, cette province de maisons et d'édifices avait son aspect habituel. Oui, sauf les gares. À ma gauche, nord et est, plus loin vers la Seine, PLM et Orléans, à droite tout près les lignes de la gare Saint-Lazare, absence presque complète de fumée. Je me remis à explorer les journaux. Ah, en effet, les gares. Nombreuses suppressions de trains. L'exploitation intensive des chemins de fer, on le sait, n'a été possible que par l'invention complémentaire du télégraphe électrique. Par contre, même avec le matériel roulant et les voies en bon état, toute entrave apportée au fonctionnement du télégraphe et de la signalisation électrique entraîne l'impossibilité de poursuivre l'exploitation régulière. Les ruptures de fils télégraphiques et de commandes de signaux s'étant multipliées avant-hier sur les réseaux non électrifiés, les compagnies se sont vues forcées de réduire, dans des proportions énormes, le nombre des trains, aussi bien de voyageurs que de marchandises, dont la vitesse commerciale maxima est ramenée à 20 km à l'heure. Nous voilà presque revenus au temps des diligences. Avec cette aggravation, que nous n'avons même pas la ressource d'user des antiques guimbardes disparus. Les services d'autocars, destinés à doubler ou concurrencer les services de la banlieue, sont encore trop embryonnaires pour suppléer à la déficience des chemins de fer. Et combien de jours encore les voitures automobiles seront-elles utilisables? Les pannes de bougies se multiplient avec une fréquence croissante et les magnétos non blindés sont victimes d'avaries peu réparables. L'invasion des xénobies se développe. Le foyer secondaire qui s'est déclaré, avec comme centre Marseille, où la situation est comparable à celle de Paris, gagne rapidement du terrain le long de la ligne PLM. Entre Marseille et Toulon, toutes les villes de la côte sont atteintes. Plus loin, l'apparition du lichen était signalée hier à Saint-Raphaël et à Cannes. Dans la région sud-est, Aix et Avignon sont également atteintes, de même que Bordeaux dans le sud-ouest et dans le nord, Lille et Rouen. Oui, mais dans Paris. À la page précédente, trois colonnes de détails sur les divers accidents, et entre ceux d'un nouveau genre, provoqués par une variété de lichens qui rongent les isolants et corrodent le métal des conducteurs électriques, d'où une quantité de courts-circuits parvenus un peu partout, à l'air libre et dans les canalisations souterraines, magnétos, dynamos et moteurs grillés, fils et câbles de toute nature mis hors de service. Rien d'étonnant si je rencontre ces sous-titres, les dégâts dans les sous-stations électriques, dans les centraux télégraphiques et téléphoniques, mais je ne vais pas lire tout cela, passons. Pour résumer la situation à Paris, en dehors des 5e, 6e, 8e, 9e, 12e arrondissements, contaminés dès le début de l'invasion et où ses progrès ont été les plus graves, la dissémination a gagné plus ou moins largement les arrondissements voisins. À chaque instant, de nouveaux foyers de lichen sont signalés dans des quartiers jusque-là indemnes. On peut considérer, à l'heure actuelle, tout le centre de Paris comme voué à une contamination proche. Sur la périphérie, les 13e, 15e, 16e, 19e et 20e paraissent les plus épargnés. La proche banlieue est touchée, surtout au nord et au sud-est. Au-delà, on trouve des foyers à Argenteuil, Taverny, Bessancourt, Enghien, Villeneuve-Saint-Georges, etc. Saint-Denis, contaminé dès le 19, est atteint presque à l'égal de la capitale. Versailles l'est aussi à un degré moindre. La soudaineté de l'invasion du lichen et la brusquerie de son développement ont surpris les pouvoirs publics et jusqu'à présent, au lieu d'une action d'ensemble immédiate, n'ont pris que des mesures fragmentaires et tardives. Si les compteurs électriques sont fermés dans les immeubles de Paris les plus touchés, c'est uniquement au concierge ou au propriétaire qu'on le doit, et non à la compagnie. La seule mesure générale qui ait encore été prise par la préfecture de la Seine, c'est d'interdire, à partir d'aujourd'hui, le fonctionnement des enseignes, réclames et journaux lumineux. Dans quelques arrondissements, les commissaires de police exigent la déclaration des immeubles atteints par le lichen, assimilés à une maladie contagieuse, qui sont soumis à la désinfection par les services municipaux. Ou bien on voit dans les rues des arroseuses effectuées sur la chaussée et des pulvérisations à l'eau de Javel ou à l'eau salée qui tuent les germes de la xénobie. Mais tout cela ne peut évidemment aboutir à grand-chose. Paris est en proie au lichen comme à une maladie grave. Si on veut le guérir, il faut prendre des moyens énergiques et radicaux. Dans quelques-unes des villes contaminées aux environs de Paris, dans le Midi, à Toulon, les maires ont pris des arrêtés interdisant l'emploi du courant électrique dans leur commune, et cette initiative a toute chance de protéger contre la diffusion du lichen les localités en question. À leur exemple, il a été question un instant au Conseil des ministres de préserver les parties de Paris non encore contaminées, en décrétant l'interdiction de distribuer le courant électrique dans tout Paris et le département de la Seine. Tant qu'on n'en viendra pas à cette mesure décisive, a fait ressortir le président du Conseil, on n'aura rien fait pour sauvegarder les Parisiens. Il suffit d'un immeuble où une lampe reste allumée pour provoquer la formation du lichen autour de la dite ampoule et la diffusion des spores reproductrices dans l'immeuble et au dehors par les habitants qui les véhiculeront sur leur personne. Mais le Conseil n'a osé assumer à lui seul la responsabilité d'un pareil décret qui sera soumis au vote des chambres, convoquées pour le 25, dans 3 jours. Quelle sera la durée probable du fléau? Doit-on s'attendre à le voir décroître et cesser de lui-même, comme certains optimistes s'empressent de le déclarer? La disparition des formes géantes et à croissance ultra-rapide observée dans les souterrains du métro est due avant tout à l'arrêt du trafic et du courant. Elle ne signifie pas nécessairement que la poussée de vie soit en décroissance et que nous n'ayons plus à redouter, dans d'autres champs électriques, la naissance et la prolifération des formes analogues ou même plus nocives. L'éminent professeur Nathan, néanmoins, est d'avis que l'espoir est autorisé de ce côté. En outre, on a constaté, dans les chambres frigorifiques des Halles, que les ampoules allumées restent nettes de tout lichen, alors que, dans le reste de l'édifice, elles sont fortement contaminées. Cette observation confirme l'assertion de M. Nathan lui-même, dans son article d'avant-hier, que les spores ne résistent pas à un froid de 0 degré. Cette vulnérabilité de l'ennemi nous donne en tout cas la certitude d'en être débarrassé à la première gelée. Paris sous la neige, mon œil de peintre caresse le panorama souverain que je découvre du haut du square. Au lieu de ces miroitements de vitres, de ces scintillements de coupoles dorées, de ce Paris en polychromie tendre, aux valeurs délicatement fondues dans le beau matin d'automne, j'évoque l'infinie blancheur de la neige aux ombres bleues sous un ciel d'antimoine. Je hausse les épaules en rejetant la main des feuilles froissées. La première gelée, et nous sommes au 22 octobre. Encore un mois, 2 peut-être. C'est bien loin, et d'ici là... Et soudain, je cesse de m'intéresser aux événements. Je me secoue comme un chien qui sort de l'eau, rejetant l'âme sociale pour dégager mon seul égotiste personnage. Gaston Delvar, le peintre amoureux de l'ange astronaute. 9h-15. Temps de lui téléphoner. Abandonnant tous mes journaux à la vieille femme à cabas qui les guigne, venue s'asseoir au bout de mon banc, je retourne au débit de la rue du Mont-Cenis, où il y a le téléphone. « Allô ? Oui, ici Aurette. Bonjour, cher ami. » Me retrouver, hélas non, pas aujourd'hui, impossible. Mon père, je ne puis pas le quitter. Nous avons un travail fou. Tout un matériel à rassembler, une caravane à prévoir, à organiser. Vous comprenez ? Il a accepté pour lui et pour moi les propositions de M. Nathan. « Mais non, cher, nous ne partons pas. Les frontières nous sont fermées, rassurez-vous. Nous aurons tout le temps de nous revoir. » Donc l'Endor, vu l'interdiction des expériences astronautiques, nous a rendu notre liberté provisoirement. Lui-même va former un cartel, je crois, dont la Moon Gold sera le centre. Il doit se rencontrer aujourd'hui, grâce à Mademoiselle Luce, avec le grand brasseur d'affaires Rosencrantz. Pour en revenir à M. Nathan, il a eu avec mon père une longue conversation hier soir, et s'est tellement emballé pour certaines de ses vues qu'il lui a offert aussitôt une très belle situation. Directeur d'un service de recherche technique, concernant le lichen. Mon père a accepté, et comme il ne saurait se passer de moi, qui suis au courant de ses méthodes de travail, il a obtenu que je sois nommée directrice adjointe. Vous voir ce soir, dites-vous, ami. Je crains bien d'être tenu. Enfin, si je prévois une heure de liberté dans la soirée, je vous enverrai un pneumatique. Car vous ne pouvez pas me téléphoner. Je serai absente de l'hôtel toute la journée. Pardon, c'est mon père qui me réclame. Excusez, mon cher Gaston. Comment ? Vous dites que je ne vous... Mais si, j'ai beaucoup d'amitié pour vous. Que trop ! Non, non, chut, pas maintenant. Au revoir. Peut-être à ce soir, ou sinon demain. Certes, je ne suis pas trop content. Je suis même furieux tout d'abord. Mais enfin, avec ce laboratoire à installer, où donc elle ne me l'a dit, je dois bien admettre qu'elle soit occupée et ne puisse me voir aujourd'hui. Et que diable, elle a raccroché si vite que je n'ai pas pu lui poser une autre question, qui va me tourmenter toute la journée. Puisque l'association est rompue entre Chêne et son père, les intérêts qui, à ce que j'ai compris, poussaient Chêne à vouloir l'épouser, elle, ont donc cessé d'exister, l'obstacle fondamental entre nous serait donc levé ou sur le point de l'être? que ne me l'a-t-elle dit nettement ? Je n'ai même pas pu discerner dans son ton de quelle humeur elle était. Joyeuse ou simplement affairée ? Ses récepteurs déforment tellement les nuances de la voix. Même sans certitude, il paraît y avoir là une grande probabilité. Et en plus de cet espoir, pour me faire patienter, je sais que rien n'est perdu, au contraire, puisqu'elle ne part pas. Si je ne la vois pas aujourd'hui, je la verrai demain, et je pourrai, de toute façon, continuer la lutte, essayer de faire triompher mon amour. En attendant, ne pas trop penser à moi-même. Réagir, voyons. D'abord, soigner mes intérêts matériels, totalement négligés depuis mon retour à Paris. Je suis à court d'argent. Toucher le chèque de Luce, Société Générale, boulevard Haussmann. De là, rive gauche, visite chez mes marchands de tableaux. Roussel, Lefort, chercher mes photos chez l'oncle. L'autobus AM, que j'allais, sans hâte, prendre au coin de la rue d'Enraymont, était bondé de gens singulièrement rechignés. Je cessais vite de m'en étonner, car dès le pont Caulaincourt, un arrêt intempestif nous immobilisa. « Ça fait la cinquième panne depuis le terminus !» grincha le receveur en sautant à terre pour aller aider son camarade chauffeur. Panne de bougie qui fut tôt réparée, mais qui décelait l'état précaire des derniers moyens de transport en surface. L'eau de chlore devenait impuissante comme préservatif contre la xénobie. Sur le pont Caulaincourt, repanne, idem au bas de la rue d'Amsterdam. 5 ou 6 voyageurs dont je fus descendirent pour continuer à pied. À la gare Saint-Lazare, j'eus la curiosité de jeter un coup d'œil dans la salle des pas perdus. Les aspirants voyageurs se butaient à des guichets fermés. Assis sur leurs valises, d'autres attendaient avec une résignation des migrants. Des vidants britanniques baragouinaient des récriminations aux employés des bascules, qui refusaient de peser leurs bagages à l'enregistrement et leur montraient les pancartes affichées. Aucun départ pour l'Angleterre, jusqu'à nouvel avis. Une affiche manuscrite, placardée sur les horaires officiels et les annulants, annonçait 1 ou 2 départs quotidiens non garantis de trains omnibus pour Le Havre, Dieppe, Cherbourg. Au fond, sous le hall des quais, silencieux et mort, les rails luisaient, déserts. Je regagnais la rue. Dès à présent, la circulation s'était sensiblement raréfiée. Pour 2 autos qui roulaient, une était en panne le long du trottoir. Les agents à bâton blanc laissaient faire. On n'observait même plus le sens unique. Et, détail significatif, à la circulation mécanique se mêlaient, déjà nombreuses, des voitures hippomobiles. Antiques coupées, calèches préhistoriques, fiacres de l'urbaine. Il y en avait donc encore. Et qui eût cru que, en dehors des étaux hippophagiques, Paris recela autant de moteurs à crottin? Par ce changement, qui rendait sensible le recul de la civilisation et dont se réjouissait sournoisement, je dois l'avouer, mon œil de peintre avide de pittoresque, l'atmosphère morale de la ville semblait peu altérée. Les chômeurs forcés rentraient chez eux, il faut croire, ou du moins ne s'aventuraient pas dans les quartiers de l'Opéra, de la Madeleine ou des Champs-Élysées. Les travailleurs du gaz, en revanche, abattaient de la besogne. J'en vis dans la rue Royale, qui rétablissait des réverbères de fortune sur les pylônes de candélabres électriques. En pleine rue Royale aussi, bravant impunément les ordonnances de voirie, des charrettes de zébis stationnaient le long des trottoirs. Mais les marchands, psychologues avisés, affichaient 2 quantités, probablement illusoires, l'une à 10 et l'autre à 20 francs kilo. La plus chère s'enlevait rapidement. Mon marchand de tableaux du boulevard Saint-Germain, qui était en même temps un ami, me retint à déjeuner pour traiter nos affaires à loisir. Il est certain que, s'il eût m'eût vue dans cette circonstance, elle se serait moquée, à juste titre, de ma facilité à me laisser rouler dès qu'on me faisait prendre par les sentiments. L'impression d'avoir mon portefeuille déjà garni par le montant du chèque que je venais de toucher en passant boulevard Haussmann y contribua sans doute. Je ne sus pas défendre mes intérêts pécuniaires, avec l'âpreté qui donne à tant de nos contemporains ces airs de bouledogue prêt à mordre dès l'instant où ils discutent une question d'argent à donner ou à recevoir. Et finalement, je laissai à mon homme, avec 30% de rabais sur le prix que je m'étais fixé, une toile qu'il avait en dépôt et à laquelle il tenait, évidemment. Même à ce prix, affirma-t-il, c'était une grâce qu'il me faisait. L'invasion du lichen nuisait énormément aux affaires. Le commerce de la peinture était durement touché par le blocus mondial. Pour peu que cela durât, ce serait le marasme complet. Mon marchand de la rue des Saints-Pères se montra encore plus pessimiste, et non sans cause. Deux Américains étaient venus, déjà ce matin, prétendre résilier un marché de 35 000 francs. Il refusa de me rien acheter, accepta néanmoins de voir un de ses jours mes calanques rapportées de Cassis. Sur le boulevard Saint-Michel, quelques derniers autobus, taxis et autos, traînant péniblement leurs grappes de lichen ou échoués en panne, étaient déjà en infériorité numérique par rapport aux voitures à chevaux, dont les cochers, l'air hilar, semblaient prendre une revanche sur l'ordre de choses mécaniques. Mais ce qui passait le plus singulier, c'était de voir, en cette saison, des voitures d'arrosage envoyées sur le pavé de bois ou l'asphalte, comme en plein été, des nappes liquides. Une forte odeur d'eau de Javel dénotait un essai de stérilisation et de lutte contre le fléau. Mon oncle Frémier me reçut sans son empressement habituel. Il m'en voulait un peu de lui avoir présenté, sous un faux nom, la fameuse Aurore Lescure. L'Écho de Paris, que je n'avais pas lu, ayant donné mon interview au Bourget. Mais il prit vite la chose en plaisanterie, et cette petite pique s'évapora. Il ne se doutait, bien entendu, pas qu'il devait à mes visites l'honneur d'avoir vu le lichen se déclarer chez lui, un des premiers dans Paris, mais s'il l'eût su, comme la contagion était de toute façon inévitable tôt ou tard, peut-être m'eût-il remercié. Car il voyait à cette priorité une compensation suffisante dans la publicité gratuite que valaient, à son nom et à sa firme, les interviews et les photos publiées dans les quotidiens. Quoique l'avantage au demeurant fût assez platonique. Je ne sais pas si c'est une mesure générale, mais on nous a coupé le courant dans ce quartier-ci. Nous avons ainsi pu nous nettoyer du lichen. Mais c'est vexant de voir mes lampes intactes en apparence, de les savoir prêtes à fonctionner, et d'être obligé de me servir d'éclair au magnésium pour prendre un cliché. Il est vrai que j'en prends de moins en moins. Les clients ne viennent plus. On ne sait pas ce que l'avenir réserve. Chacun s'abstient. Le premier soin de ma tante fut de s'informer avec sollicitude de son invité de l'autre soir, qu'elle appela bonnement cette demoiselle si gentille. Son second, de m'offrir à goûter, suivant la coutume des Flandres, qu'elle observait encore après 25 ans de Paris, avec du café au lait, des tartines beurrées et du pain d'épices. La salle à manger était encombrée de boîtes de conserve et de sacs de haricots, pois, lentilles, etc. Je m'étonnais de cette abondance. « Vous vous attendez donc à soutenir un siège, ma tante ?»« Eh, mon petit, tu ris, mais il faut s'attendre à tout avec cette vilaine histoire. Je crains en tout cas la disette. Suppose que les arrivages ne se fassent plus. Déjà ce matin, on a manqué de lait. Et dans les épiceries, chez Potin, une queue de 300 personnes, comme à la mobilisation de 14. Les prix ont augmenté, presque partout. » Mais j'ai réussi, chez un petit épicier où je vais souvent, à me procurer ces quelques provisions à bon compte. « Bah, ma tante, plaisantais-je, vous auriez toujours la ressource de la gelée de framboise que l'ami Oscar récolte sur son poste de TSF. » Hélas non, c'était fini cela. Et le gamin, qui rentrait de l'école, m'expliqua en jetant son cartable avec dépit que son poste, d'un modèle qui se branchait sur le secteur, ne pouvait plus fonctionner sans courant de la ville. Pour le remplacer, il aurait fallu acheter des blocs de piles et d'accumulateurs. « Et papa ne veut pas. »« Ce n'est pas le moment de faire des dépenses superflues, » trancha la mère. « Allons, viens goûter, mon petit, et sois sage. » Ma brave tante craignait aussi la révolution comme fin finale de l'aventure, et elle développa ses raisons d'après les commérages des voisines. Mon oncle s'amusait à la faire marcher, et s'égayait de ses peurs. Mais c'était pour exposer les siennes. Ce qu'il l'était plus que le chômage, c'était l'inertie des pouvoirs publics. Qu'est-ce qu'il fait, le gouvernement? Rien du tout. Il n'est même pas fichu d'organiser la lutte. Il attend la rentrée des chambres, des bavards. Si au moins le président de la République, en France, au lieu d'être un soliveau, avait des pouvoirs comme en Amérique. Une heure passée dans ce milieu familial m'avait agréablement distrait, comme toujours. À 5h30, en sortant de chez mon oncle, je me trouvais brusquement inquiet, anxieux. Le jour tombait, et Paris s'éclairait à peine, comme à regret. Plus trace de l'optimisme du matin. Où aller? Que devenir, privé de toute nouvelle d'aurore jusqu'à ce soir, jusqu'à demain? Et des mots qu'elle m'a dit le matin au téléphone me reviennent, lancinants. Toute une caravane à prévoir, à organiser. Elle ne quitte pas la France, non, mais c'est que son laboratoire est en province. À défaut d'elle-même, qui me renseignera? Nathan, il m'enverra promener cet ours. Ah, Géo, il doit savoir quelque chose. J'eus la chance de l'attraper encore au bout du fil à Saint-Denis, à l'usine Hénaufeltrie. Ce qu'elle fait aujourd'hui? Mon vieux, tout ce que je puis te dire, c'est que ce matin, à 9h30, elle prévoyait une journée très chargée. Je l'ai vue 3 minutes avec son père, dans le hall du métropole où je déposais Lucie. Où est leur labo? Mais au garage des Guzons, dans la Creuse. Tu sais la centrale hydroélectrique qui alimente Paris en partie? Nathan leur a fait avoir de chics appointements. 20 000 par mois à eux deux. Le nouvel Edison, tu penses? Il va nous trouver en 5-7 un remède au lichen. Et puis, dites donc, j'aurais voulu que tu sois avec nous hier soir. Nous sommes allés au Ramusqué, Luce et moi, avec Rosencrantz et Chêne. Ce fils digne de la Prohibition a entrepris une grande étude comparative des cocktails de la Babylone moderne. Ce qui ne l'a pas empêché de businesser avec Rosencrantz, qui l'empêche sec lui aussi. Elle a découvert son type, ma frangine, l'Américain complet de ses rêves. Et Chêne lui trouve sûrement le génie des affaires, car il l'écoute comme un oracle. Mais il n'en persiste pas moins à se déclarer misogyne, tout en affirmant qu'il épousera Aurore Lescure sous peu. Et ce n'était pas des propos d'homme saoul. Il avait toute sa lucidité, cocktail à part. Enfin, ils m'ont l'air partis pour brasser de grosses affaires ensemble. Et avec Rosane pour eux, je ne serais pas étonné qu'ils réussissent. Mais je me demande si cela finira par un mariage, comme ce serait à souhaiter. Car Lucie pourrait tomber plus mal. Et moi donc, comme je bénirais ce mariage s'il pouvait se faire. Mais le chêne doit avoir de bonnes raisons d'intérêt pour tenir à Aurore. Méditation en douche écossaise, où l'espoir et le découragement alternent leurs répliques à l'instar des chœurs de tragédie grecque, tandis que je regagnais, pédestrement, les hauteurs de Montmartre, dans l'espoir de trouver chez moi un pneumatique d'aurore. Promenade aussi sombre que ma rêverie, et traversée comme elle de lumières passagères. Conformément à l'arrêté du préfet de police, sur les enseignes et journaux lumineux, le carrefour du Châtelet offrait un aspect quasi funèbre, avec ses sombres falaises des façades, au lieu du flamboiement d'électricité habituel. Çà et là, sur le boulevard de Sébastopol, en des îlots épargnés par la contamination, quelques lampadaires brillaient encore, des vitrines déversaient leur illumination intérieure, saumonée ou bleue, de tubes au néon et au mercure. Mais au carrefour du boulevard Saint-Denis, la perspective des grands boulevards n'était qu'un noir coupe-gorge, un mail d'arrière-province, piqueté de dérisoires becs de gaz. De même tout le boulevard Magenta, quand je remontais, où les étaux de Zébille, sous leur quinquet à pétrole, aggravaient les ténèbres. Sur le boulevard Barbès, dans le court trajet du boulevard Rochechouart au Château-Rouge, je retrouvais l'électricité et marchais allègrement. Mais à partir de la rue Custine et jusque chez moi, de nouveau l'obscurité déprimante. Aucun pneumatique d'aurore ne m'attendait dans la loge, où les époux taquets jouaient au bésigue à la lueur d'une couple de bougies fichées dans des goulots de bouteilles. Une misérable lampe pigeon brûlait dans l'escalier.